système si tu aimes. Les sons de système, ce phénomène qui nous emmène, ce phénomène qui nous entraîne, on s'y promène. Dans tous les sens du terme, on s'y promène. Dans tous les sens du terme, les riffs nous prennent et nous emmènent, les riffs nous prennent et nous ramènent. Ce rythme contamine, ce rythme contamine, ce rythme vitamine, ce rythme. Nos vitamines, c'est un rythme quand t'emmène, c'est un rythme quand t'emmène, ce rythme. Nos vitamines, ce rythme. Nos vitamines, c'est un rythme. C'est un rythme, c'est un rythme qui contamine, c'est un rythme. C'est un rythme, c'est un rythme qui vitamine, c'est un rythme. C'est un rythme, c'est un rythme qui contamine, c'est un rythme. C'est un rythme, c'est un rythme qui vitamine. Sur scène, je sais quand même qu'on montera sur scène avec les thèmes de reggae qu'on aime, avec les thèmes de reggae qu'on aime. Quand ça enchaîne, le public se déchaîne. Quand ça enchaîne, le public se déchaîne. L'ambiance est saine pour planter les graines. L'ambiance est zen et la musique est reine. Ce rythme contamine, ce rythme contamine, ce rythme vitamine, ce rythme. Nos vitamines, c'est un rythme. Quand t'emmène, c'est un rythme. Quand t'emmène, ce rythme. Nos vitamines, ce rythme. Nos vitamines, c'est un rythme. C'est un rythme, c'est un rythme qui contamine, c'est un rythme. C'est un rythme, c'est un rythme qui vitamine. C'est un rythme, rythme, rythme. C'est un rythme, c'est un rythme, rythme, rythme. C'est un rythme, c'est un rythme. C'est un rythme, c'est un rythme qui vitamine. Sons de système, ce phénomène qui peut combattre la haine si tu aimes. Les sons de système, ce phénomène qui peut briser les chaînes quand ça enchaîne. Le public se déchaîne quand ça enchaîne. Le public se déchaîne, l'ambiance est saine pour planter les graines. L'ambiance est zen et la musique est reine. Se redeem, contamine, se redeem, contamine, se redeem, vitamine, se redeem. Vitamine, c'est un rythme. Quand t'emmène, c'est un rythme. Brother, sister, quand t'emmène, ce rythme. Nos vitamines, ce rythme. Nos vitamines, c'est un rythme. C'est un rythme. C'est un rythme qui contamine, c'est un rythme. C'est un rythme. C'est un rythme qui nous vitamine. C'est un rythme. C'est un rythme. C'est un rythme qui contamine, c'est un rythme. C'est un rythme. C'est un rythme qui nous vitamine.